tu as commencé par quelle note ? Je sais pas, il faut que j'analyse. Attraper le... Thank you. J'ai mal à la main, j'ai mal à la main. Sans tige, qui ne sait que l'odeur de l'eau, n'a pas un cœur. Thank you.